France Inter, franceinter.com. Attention, message personnel, panique au Mangin Palace. Je répète, panique au Mangin Palace. Nous revoilà. C'est la panique, en direct du Mangin Palace, épisode 163. Bienvenue à toi, dans ce monde archi-loufoque et total foutraque, où l'élégance se mélange au n'importe nawak, le tout dans une farandole de volutes sonores, orchestrée par une bande de doudingues. La machine est prête et a priori, nous serions ce matin, selon le grégorien, le dimanche 17 mai 2009, 11h05, bonjour à toi, l'ami! Avant tout ce matin, dans Panique au Mangin Palace, tu es bigrement soulagé d'apprendre que certains Français osent défier la récession. Salut bonhomme. Alors Bernard, on dit que vous envisagez de reprendre le Club Med, c'est sérieux? Bah un peu, je la fiote, c'est le retour de la burme. Fini les cases en torchis au Sénégal, je vais te la faire tourner moi la boîte à partouze. Club Med, oui. Je vois que vous avez déjà ressorti le fameux collier à boules. Ouais, enfin celui-là c'est celui de Nanar. Hein. C'est pas pour payer des pina colada, des gros lards en claquettes moulbites, hein. Chaque boule, c'est 10 patates. Il y en a 40, bah, fais le compte. 400 millions, oui, c'est ce que vous avez obtenu du Crédit Lyonnais. Voilà. Voilà, tu l'as bien compris, l'ami, ce matin. Tu redécouvres ici les absurdités du monde qui t'entoure. Ainsi, le Mangin Palace te propose durant 53 minutes d'organiser un beau barnum burlesque autour des actualités manipulées par le prince du monde. Alors communions ensemble, chers amis, au nom de l'allégresse, de l'extase potache et du joda Saint-Esprit, ainsi soit-il. Voici donc la liturgie de notre joyeux panorama contre les assauts de la morosité. Eh bien, selon notre protocole, nous commencerons bien sûr par notre espiègle office laïque et freudien, durant lequel nous t'offrirons ce matin du caviar, du stress et des paillettes. Dans la foulée, justement, direction la Croisette, pour une plongée pour le moins subjective au milieu des requins du Festival de Cannes. Ensuite, nous descendrons les marches de notre fastueux palais en sous-sol à la rencontre, bien sûr, de nos joyeux fantômes radiophoniques qui, eux aussi, se sont passionnés pour cette grande fête du cinéma. Un curieux travelling aux frontières du réel que nous ausculterons ici avec délectation. Immédiatement après, direction Grosboule-les-Bains, où nous te raconterons comment Monique et Jean-Claude ont subi les foudres du trésor public entre le deuxième tiers provisionnel à payer et la déclaration de revenus à remplir. Et puis, comme d'habitude, nous enchaînerons par les tribulations de notre facétieux reporter qui est entré cette semaine dans la ronde infinie des obstinés. Et enfin, peu avant midi, afin de ne rien oublier de ces absurdes actualités, notre petit kiosque sévèrement fourni t'ouvre ses portes pour une authentique mais curieuse revue de presse. Une seule mission tentée de chahuter tes zygomatiques. On est dimanche matin, on est bien et le décollage est imminent. Allez, c'est parti, c'est la panique en direct du Mangin Palace. Alors bien sûr, monte le son pour ouvrir notre festival déconne. Bye. Let's all chant. C'est Michael Zeger et son band, au cœur de la planète disco en 1978, qui faisait bouger ton corps, mon corps, et tout le monde bougeait son corps. J'en ai fait voir de drôle à mon grand fessier ce matin. Content pour toi, vieux. M'éclater les biceps, là. Après, je vais faire un peu de cardio, histoire de changer, de laisser mon corps en alerte. Faut faire, moi, mon corps, il est en permanence en alerte. C'est vrai. Et c'est donc avec tous ces corps en alerte que s'ouvre dès à présent à 11h11 les modestes aventures laïques de ce 163e épisode du Mangin Palace. Et comme d'habitude, il est l'heure pour toi de te vautrer confortablement afin de profiter au mieux de notre malicieuse liturgie qui débute bien entendu par une petite session freudienne en compagnie de Monsieur Divan Beaujolais, le fiefé sacripant de nos coursives, avec qui nous allons t'offrir maintenant pêle-mêle du caviar, du stress et des paillettes. Allez, en route maestro, tends bien l'oreille, ainsi soit-il. Jack Lang, député socialiste du Pas-de-Calais et, faut-il le rappeler, ancien ministre de la Culture de François Mitterrand. Et un peu de caviar et du chambre, t'aurais pu aller au marché. Personnellement, je suis socialiste, opposant, et ma doctrine, mes conceptions sont celles d'un homme de gauche. Peut-être non plus, n'avez-vous jamais vu de caviar? Une fois. Du rouge. C'est parce que je suis un socialiste que je soutiens la création et que je ne veux pas que les artistes et les créateurs soient pillés. C'est parce que je suis socialiste et homme de gauche que je combats la politique de l'éducation. C'est la même conviction qui m'habite. Mais par moment, vos convictions personnelles rejoignent celles de Nicolas Sarkozy. Zoltan ! Et du coup, on a l'impression que vous participez vous-même. Désormais, vous en mangerez tous les jours. Et pas du rouge, ni du noir, mais du gris. Et à la louche. Bonjour Roselyne Bachelot. Bonjour Nicolas Demorand. Face à la fronde du milieu hospitalier, vous avez déclaré être prête à des gestes d'ouverture. Quels gestes ? Nous entrons dans le temps de la fureur et du tumulte. Roselyne Bachelot. Alors nous avons des points d'éclaircissement à faire sur la gouvernance de l'hôpital. Alors sur quoi allons-nous avancer ? Dans les prédictions de Nostradamus. Par exemple, certains se sont inquiétés du fait que le mot « service » n'existe pas dans le texte. Touchez pas à ça. Confisqué. Alors, je le mettrai. Il y a un autre point de clarification qui était absolument nécessaire. Ça me paraissait inutile de le rappeler, mais puisqu'il faut le rappeler, je le rappellerai. Vous sentez pas des fois que ça coince chez vous ? Il est bien évident que le projet médical, il est élaboré par la communauté soignante. Ma parole, des engins comme vous, ça va être fourni avec une notice, hein. Écrivaine romancière américaine, prix Nobel de littérature 1993. Bonjour Toni Morrison. Hello. Veuillez accepter les hommages d'un de vos plus vibrants admirateurs. Vous savez qu'en France, depuis longtemps, depuis la Révolution, officiellement, il n'y a pas de race. On n'a pas le droit de compter, de décompter. Et justement, en ce moment, il y a un débat. Faut-il discriminer, même positivement ? Toni Morrison. Vous êtes le témoignage vivant, ô combien, de la fragilité des apparences. The debate, I think, has its answer when one of two things happen. On trouve une réponse à un débat lorsqu'on se pose deux questions. As the president or the premier, une des réponses, c'est si vous élisez you are able to hire un noir me ou une noire à la tête du pays, ou si vous pouvez m'embaucher, moi, dans l'université française, moi qui suis noir. Si vous faites l'une de ces deux choses, à ce moment-là, la question de votre débat ne se posera même plus. Oh, l'admirable mot. J'ai le plaisir d'accueillir Isabelle Huppert, présidente du jury du 62e Festival de Cannes. Madame la présidente, bonjour. Bonjour. Et où ils ont trouvé cet acteur ? Une question simple pour commencer, en exclusivité pour les auditeurs de France Inter. Est-ce que vous pouvez nous dire qui aura la Palme d'Or cette année ? Réponse non. Ok, on a fini ici, alors on installe l'éclairage dans la salle pour la scène suivante. Mais je crois qu'il faut rester assez humble. En gros, un bon film, c'est un bon film. Mmh. Voilà, et ça ne veut pas dire... Ça veut pas dire grand-chose, finalement. C'est 150 francs la place. Il n'y a pas de réduction pour les militaires. Viens. En effet, il n'y a pas de réduction pour les militaires dans les cinémas de Cannes pendant le festival. À l'inverse, il y a toujours une place offerte pour le président de la République dans la tribune officielle du Stade de France lors de la finale de la Coupe de France de football. C'était le week-end dernier et Nicolas Sarkozy... Notre président, donc, avait sans doute un peu peur de se faire siffler par les supporters bretons. Ainsi, Nicolas Sarkozy... Bon, je vous demande de vous arrêter. Notre président, arrêté, avait dans un premier temps décidé de sécher cette finale de football. Mais face au tollé provoqué, au final, il y a été, au Stade de France, et il ne s'est pas fait siffler, puisqu'il ne s'est pas trop montré. Bon, c'est vrai, notre président a pris l'habitude de se faire huer et d'entendre siffler son train de réforme. Mais j'entends siffler le train, mais j'entends siffler le train. Ainsi, le week-end dernier, Nicolas Sarkozy était donc au Cap-Nègre pour échapper en vain à la finale de la Coupe de France de football. Alors, qu'est-ce qui peut expliquer la passion de Nicolas Sarkozy pour se rendre au Cap-Nègre en ce mois de mai? Est-ce la douceur du climat, la beauté des paysages ou encore la bonne occasion pour passer des week-ends à l'œil chez belle-maman? Sans doute. Mais il n'y a pas que ça. Car non loin du Cap-Nègre, il y a ce halo de lumière qui attire Nicolas comme le fanal attire le papillon de nuit, le Festival de Cannes. Palmiers, palaces, pellicules, parasols. Sable. Star, starlet, starlette. Flash, vitrine, couleur. Croisette, rue d'Antibes, cheveux longs, robe du soir. 1500 journalistes, 420 films. 67 152 habitants, 96 400 pendant le festival. 4 337 chambres. 7000 arbres, environ 2000 tubes de tranquillisants vendus pendant le festival. Alors, verra-t-on Nicolas Sarkozy débarquer au Festival de Cannes, lui qui adore arriver à l'improviste là où on ne l'attend pas, tandis qu'il ne va pas là où il a promis d'aller, à savoir la dalle d'Argenteuil ou Gandrange? Eh bien, quand il va à Cannes, désormais Nicolas est incognito. Matt, le yacht, Carlita, c'est celui de Bono, le chanteur de U2. Ah, et là, le yacht de Franck Provost. Ah, oh, t'es sûr que je peux pas descendre? Non, mon chéri, je te l'ai déjà dit, il faut te cacher, on ne peut pas te voir à Cannes. Ah, celui-là, il est énorme, c'est celui du Saoudien, là, je le connais, il me l'a prêté. Il y a une piscine à vagues dans son yacht, dis-là. Te fais pas de mal, mon chéri, tu sais bien que si tu te montres avec des riches, tu vas encore baisser dans les sondages. Oui, enfin, je te préviens, Carlita, si je repasse la barre des 50% dans les sondages, moi je vais faire du ski nautique tiré par le yacht de Bono, hein. Faire du ski nautique tiré par le yacht de Bono, ça ne va pas être simple pour notre président. Et pas que pour lui, d'ailleurs. Tu nous as trahis, tu nous as trahis. Et dire que t'étais à Charlotte. Tu nous as trahis, tu nous as trahis. Mais qu'est-ce que t'as fait, Carabini? Tu nous as trahis, tu nous as trahis. Alors, Carla Bruni se rendra-t-elle au Festival de Cannes? Eh bien, elle en est capable, tout comme elle s'est rendue en fin de semaine sur le plateau télé de l'enregistrement d'une émission en l'honneur de Charles Aznavour, que réalise TF1, mais bon, là, elle est un peu comme chez elle. Eh oui, les projecteurs, on a du mal à les quitter, et les paillettes aussi, ce n'est que justice. Et quand on parle justice, paillettes et Cannes, on pense évidemment à... Madame Dati, qui, elle, s'est fait violence pour entrer dans la danse. Arrêtez, j'aime pas le caviar. Je me force comme ça. On me dit qu'un jour, ça viendra. Parce que je suis sûre que quand on aime ça, ça doit être vraiment délicieux. C'est bien ici, non? Moi, j'aime beaucoup parce que ça fait pas semblant d'être autre chose. C'est calme et grandiose. On a l'impression d'être unique. Eh oui, pour Madame Dati, Cannes, c'est sans doute mieux que Strasbourg. Enfin, c'est à voir, car cela n'est pas de la vie de tout le monde. Tiens, par exemple, Jean-Louis Bourleau, il fait des efforts pour se mettre au diapason de la politique sarkozienne, et il a même fait le voyage à Cannes. Moi, je viens de Paris, moi, je suis venu en stop ici. Pourquoi? Pour faire un tour, pour prendre un peu l'air. Ouais, c'est la première fois, puis la dernière. Pourquoi? Parce que ça m'écœure de voir ça. Alors qu'il y a des types qui sont en train de crever là, enfin, ou se crever au boulot, puis la quête. Il y a tant de fric qui part de tous les côtés. Enfin, c'est mon avis, hein, ça c'est. Ouais, c'est assez dégueulasse. Hein. C'est dégueulasse. Hein, parce pourquoi que. Je sais pas, parce que il me semble que tout ce fric, c'est pas mérité, quoi. C'est pas mérité? Mais dis donc, c'est un vrai discours de gauchiste révolutionnaire, ça. On dirait presque du Bayrou, dis donc. Alors, que peuvent bien chercher les membres du gouvernement au Festival de Cannes? Bon, déjà, c'est toujours mieux de disserter dans les médias sur les paillettes du cinéma plutôt que de parler des conflits sociaux, hospitaliers ou universitaires. Le mois de mai social, ça fout toujours un peu la trouille, tandis que Cannes, en mai, c'est toujours rassurant. Cannes qui a revêtu ce soir sa tenue de gala, Cannes prestige, Cannes féerie, Cannes à l'heure du grand cinéma, Cannes oui, interne... Carole, tout cela, bien entendu, si le beau temps est de la partie. Ne soyez pas pessimiste, Jean, le beau temps sera de la partie. Et voilà Madame la sous-préfète, accompagnée de son mari et de Michael, son petit dernier. Oui, qui est déjà grand. Derrière eux, Bruno, de Bruno Chemise, un commerçant cannois bien sympathique. Ah, et là-bas, regardez derrière eux, une vedette. Ah oui? Je ne sais pas qui c'est. Oui, non, je l'ai vu dans un film, effectivement, à la télé, je crois. Non, Carole, on me fait signe. En fait, il s'agit de notre Premier ministre. Ah, c'est ça, je savais que je l'avais vu à la télé. Je me disais que son visage ne m'était pas inconnu. Et ainsi donc, c'est François Fillon qui se trimballe à Cannes aux côtés de la sous-préfète. Mais pourquoi? Que peut bien chercher notre Premier ministre sur les marches du Festival de Cannes? Eh bien, dans le règne animal, dans la famille des grands patrons, on a d'une part l'espèce des manias de la culture et d'autre part la sous-espèce des producteurs de cinéma. Et ces gens-là ont toujours de bonnes idées pour se faire du blé au grand étonnement de François Fillon en plein flop. C'est effarant. Mais c'est absolument effarant. Mais dans des circonstances favorables, un producteur peut faire plus d'argent avec un flop qu'il ne le fera avec un succès. Ah oui? Oui quoi? Ce que vous dites, continuez à parler. Mais qu'est-ce que je disais? Vous disiez que dans des circonstances favorables, un producteur pourrait faire plus d'argent avec un flop qu'il ne le ferait avec un succès. Oui, c'est très possible. Mais vous ne cessez pas de dire ça, mais vous ne dites pas comment. Comment est-ce qu'un producteur pourrait faire plus d'argent avec un flop qu'avec un succès? Eh bien, c'est simplement une question de comptabilité. Si je présume, juste pour un moment, que vous soyez un homme malhonnête... Eh bien, présumez. Ben, c'est très facile. Il vous suffit de vous procurer plus d'argent qu'il n'en faut. Vous saisissez? Mais alors, pour que le système marche, nous devons être sûrs de faire un flop. Quel système? Quel système? Votre système, sacré petit génie! Je n'ai pas donné de système. J'ai simplement énoncé une théorie mathématique classique. Ça n'était qu'une idée. Le monde tourne grâce à de telles idées. I wake up with the sunrise. Rising shine is but a lie. Lie down again before I even see. Seed cakes freshly baked for me. End up and I'm thinking, can you run it by no means? Means I will never ever brew ourselves a tea for two. Such a precious story. With the sunrise, rise and shine is but a lie. Lie up, it is my other middle name. Name and shame me, please, please me. You take me for your new queen. Queen cakes are beyond your means. Means I will never ever. Pretend I'm not. master tea, stir your milk up and sit down, please. No sugar, no coffee, no iced tea, no TV, no ice cream, just a tea, stir your milk up and sit down, please. Such no a precious sugar, story. No coffee, no boy, iced you'll tea, be no my TV, foe. No ice cream, just a tea, stir your milk up on and sit a down, Sunday morning. Such no a precious sugar, story. No coffee, no boy, iced you'll tea, be my TV, foe. No ice cream, just a tea, stir your milk up on and sit down. Sugar, sugar, c'est la double ration de sucre que nous offre ici ce matin le groupe français Divin' with Andy. Cela dit, attention, sugar à toi si lors d'une soirée tu confonds le sucre avec une substance qui lui ressemble. Que se passe-t-il durant cette soirée? Le journal La Tribune cite l'entourage du joueur français et affirme sans rire que Gasquet aurait pu être contaminé par le biais d'un baiser échangé avec une jeune fille cocaïnée. Une jeune fille qui avait pris la cocaïne en est en plein délire. Alors maintenant, après avoir découvert les coulisses de la kermesse cannoise, la panique au Mangin Palace ouvre sans plus attendre à 11h27 sa singulière séquence consacrée aux actualités du lointain. Avant tout, souvenons-nous que ce festival de Cannes, justement, fut créé à l'initiative du ministre républicain et grand résistant Jean Zay en réponse à la Mostra de Venise qui fut instaurée par l'Italie fasciste de Mussolini. Et figure-toi que mercredi soir, à l'occasion de la cérémonie d'ouverture de ce festival devenu désormais le rendez-vous des Happy Few, nos joyeux fantômes radiophoniques se sont investis eux aussi dans la création cinématographique pour essayer de rivaliser avec Quentin Tarantino, Alain Resnais ou encore Pedro Almodovar, tous en compétition officielle cette année. Alors, écoutons attentivement l'étonnant récit de notre Bernard Lhermitte planqué dans sa boîte d'archives au cœur des sous-sols obscurs et sinueux de l'INA. Tends bien l'oreille et découvre ainsi la vie parallèle de l'Institut National de l'Audiovisuel. Des révélations, des hypothèses. Un Bernard Lhermitte. Qui demande la parole? Cette semaine, à l'INA, nous étions en ébullition. Mercredi soir, sans trop savoir pourquoi, nous avons été pris d'une irrésistible envie de faire un film. Tout de suite, Pierre Lerouzic a écrit la première scène. Une voiture de sport grise arriva à toute allure et s'arrêta dans un grand bruit de frein devant le palais des festivals. Une blonde capiteuse, vêtue d'un somptueux manteau de fourrure, en sortit et pénétrant d'un pas décidé dans le hall, elle enleva d'un geste souple son manteau. Mais voilà, en dessous il n'y avait rien ou presque, elle était simplement vêtue d'un ravissant et minuscule bikini bleu à pois blanc. Mais nous n'avions pas vraiment les moyens d'acheter un manteau de fourrure et un maillot de bain. Alors Jean-Luc Godard a eu une idée. Puisque nous faisions un film sans argent, nous pouvions aussi supprimer le scénario. Le scénario était inventé par qui? Il était inventé par les comptables, qui avaient besoin de savoir ce que Max Sennett avait tourné dans la journée. Ou ce qu'il demandait. Alors il faisait une feuille de papier, une paire de chaussettes, une voiture, trois flics, une fille en costume de bain. Et finalement, puis après, ils se sont mis à mettre des verbes et des adjectifs. Une fille en costume de bain aime un flic qui a trois voitures. Et ça s'est appelé scénario. Mais c'est l'argent qui a fait le scénario, si vous voulez. Alors on devrait me bénir, moi, de ne pas faire de scénario. Un film sans scénario. André Malraux, ça l'a tout de suite inspiré. Et même sans caméra, les images étaient là. Les lumières du train arrivant en fracas dans l'écran, emplissant l'écran, et sur le fracas et sur la nuit soudaine, alors l'appareil montant lentement et découvrant le ciel étoilé. Je dédie une palme d'or imaginaire à ce ciel étoilé, la fraternité du monde qui n'existe que par ces images, née d'une terre tour à tour heureuse, sanglante ou menacée, et qui seront les images fraternelles du rêve des hommes, lorsque dans 100 ans, il ne restera qu'elle et que vous les aurez exprimées tour à tour. Contre toute attente, notre film a été sélectionné à Cannes. Mais personne ne voulait y aller. Alors, gentiment, Marguerite Duras s'est dévouée. Je suis là depuis 3 jours, je n'ai pas vu un seul film. Je n'arrive pas à m'y intégrer. Je ne sais pas où me mettre à Cannes. C'est un problème, il n'y a pas tellement de bistrots. Les chambres sont loin. Les cinémas sont pleins. Il y a très peu de restaurants bon marché. Il faut manger très vite dans les restaurants bon marché parce que d'autres clients attendent. C'est un lieu qui n'est pas public, Cannes. C'est un lieu très différent de ceux dans lesquels on vit d'habitude. La plupart des gens sont déplacés ici. Et notre petit film aussi avait l'air déplacé dans ce grand palais. Mais heureusement, pour le générique, on avait au moins trouvé notre animal fétiche. Jean-Paul, un petit sourire pour la photo. Le petit oiseau, il va sortir, crie une mégère subsmicarde en semi-haillon du soir, en dévorant de ses yeux béats de chien soumis la grande gueule burinée du vieux Tintin maflu tombé d'hélicoptère qui lui tient lieu d'aphrodisiaque imaginaire quand elle ferme les yeux les samedis soirs où son CRS éthylique la besogne au-dessus de l'évier pendant qu'elle finit la vaisselle. Quelle drôle de façon de faire, elle. J'ai vu faire ça dans un film. Les films, ça sert à ça, à apprendre à vivre, à apprendre à faire un lit. Merci beaucoup, Flora Bernard, pour cette nouvelle exploration poético-burlesque au cœur de l'inattendu et durant laquelle nous avons croisé le génial Godard pour qui le scénario est superflu. À ce propos, retrouvons nos aventures tragi-comiques puisqu'il est l'heure de notre décrochage régional. Voici donc nos actualités locales, direction Gros-Boule-les-Bains. Monique est amnésique. Monique. Comment vous appelez-vous, vous ? Jean-Claude. Ça vous va, c'est fou. Alors maintenant, toujours en direct du Mangin Palace à 11h33, rejoignons dès à présent notre fantasque petit village fleuri où nous attendent nos deux valeureux héros, Monique l'exonéré et Jean-Claude l'exomile. Car vois-tu, comme partout en France, avant-hier à Gros-Boule-les-Bains, il fallait avoir payé son deuxième tiers provisionnel de l'impôt sur le revenu. Et figure-toi que jeudi dernier, donc, le ministre du budget, Éric Woerth, s'est pointé lui-même à Gros-Boule pour récolter l'impôt, où il fut accueilli par monsieur le maire. Les impôts sont là, monsieur le ministre. La gabelle, la taille, l'impôt sur les épices, pour cette année, ça fait combien ? 200 000, monseigneur. Mais l'année dernière, ça faisait beaucoup plus. Oui, mais la récolte avait été très bonne. Cette année, la récolte a été très mauvaise, alors il faut payer le double. Les impôts, tout ça, c'est pour le roi. Mais nos gens sont terriblement pauvres et... C'est normal. Les pauvres, c'est fait pour être très pauvres et les riches, très riches. Oui, c'est un peu la philosophie politique du moment. Cela dit, certains administrés, dont Jean-Claude, n'avaient pas encore payé leur impôt à l'État. C'est pourquoi deux fonctionnaires du Trésor public se sont présentés à son domicile pour encaisser le chèque. Seulement voilà, nos deux agents des impôts furent pour le moins surpris devant la réaction du Jean-Claude, et ce, malgré les avertissements de Monique. Vous avez prévenu, au moment de signer, il vient ma boule. Oh, tu veux pas tes pilules ? Ça y fait toujours cet effet-là ? Il a quand même déjà signé des chèques. C'est même pas envisageable. Tu sais bien que même quand je dois, je ne peux pas ! Signer un chèque me rend malade ! Enfin, explique à ces messieurs mes étouffements, mes spasmes. Là, j'en mourrais. Ulcéré par la perspective de signer ce chèque, Jean-Claude justifia son refus de payer l'impôt par l'injustice évidente du bouclier fiscal en pleine récession mondiale. Quand soudain, après quelques minutes de négociation, l'un des deux agents du Trésor public fut intrigué par un détail. Vous avez été saisi récemment ? Non, pourquoi ? Parce qu'il y a des traces plus claires sur les murs, comme si on avait retiré des tableaux. Il voit tout, il est formidable. Non, il voit tout, t'es formidable, Lucien. Il y avait un bibelot, là. Il y avait un bibelot. Ça se voit, la poussière autour. Je vous l'avais dit, c'est un formidable professionnel. Bravo, Lucien. Tu vas me faire rougir. Sois pas modeste, Lucien, t'en as quoi, c'est d'autres des frondeurs. Soyez gentil, arrêtez un peu. Eh oui. Prévenu de la présence des agents du Trésor public à Grosboule, Jean-Claude et Monique avaient un peu rangé leur maison, vois-tu. Mais du coup, effrayés l'un et l'autre par la perspective de se faire contrôler dans la foulée, nos deux filous ont alors changé de ton avec les deux agents de l'État. Et ils sont même devenus très courtois pour essayer d'expliquer leur situation et leur projet. C'est Monique qui s'est lancée la première, soutenue par sa fille Elsa. Depuis des lustres, nous demandons qu'on nous accorde quelques subsides. Traduisez, je vous prie. Ça fait bête de temps qu'il demande un peu de pognon. Afin de créer un de ces ravissants divertissements de son et de lumière qui fleurissent dans des demeures autrement plus quelconques que la nôtre. Pour bricoler un petit show à la con, façon le Puy du Fou, dans notre baraque qui n'est pas plus naze que le château de la Starac. Si vos supérieurs avaient diligenté ne serait-ce qu'une oreille bienveillante à l'égard de notre propos, mais tout à fait adéquat. Si le directeur des services fiscaux était un peu moins con, nous ne serions pas dans cette chose. On serait déjà pété de thunes. Et tout le monde leur serrait les pompes, au lieu de les foutre dans la merde. Je vous remercie, je crois que monsieur a compris. Mais j'ai l'impression que c'est vous qui n'avez pas bien compris. Vous avez 2 mois pour trouver 2 millions d'euros. Sinon, on vend votre taudis, là, et tout ce qui va avec. Comment ça, 2 millions d'euros, s'est écrié Jean-Claude. C'est quoi cette embrouille? Un redressement fiscal, mon vieux. Eh oui, les services de l'État ont été informés que Jean-Claude n'aurait pas déclaré tous ses revenus, visiblement, car il organiserait toutes sortes d'escroqueries payées au black. Et notamment, selon l'accusation de certains villageois, il aurait arrangé des paris clandestins et chelous. Jean-Claude était halluciné. Des combats de chiens, tout de suite. Vous allez peut-être prétendre que c'est pas vrai. Non, mais bon, il y a 2-3 collègues à vous qui sont passés pour dire bonsoir. Systématiquement, on boit un coup pour souhaiter la bonne nuit. Ben, il se trouve que j'ai 1 ou 2 chiens, là. Qu'est-ce qu'on fait de mal, au bout d'un moment? C'est mon gagne-pain. Ah, parce que les combats sont truqués. Truqués, ben, tout de suite, les grands mots. Non, mon chien, il est entraîné. Eux, ils ont pas de chien. Alors je leur en prête un que j'ai là. Bon, évidemment, il est à moitié crevé, le machin. Il fait pas des miracles. Donc attendez, parce que vous avez un chien entraîné. Vous avez d'autres chiens aussi. Ah ben, les autres, je les récupère sur le bord de la route. Les malades. Les saloperies à 3 pattes qui traînent, ça leur fait une seconde jeunesse. Au lieu de canner dans le froid, ils disparaissent. Dans la gloire du combat, sous les applaudissements. Tiens, s'ils pouvaient parler, ils me remercieraient. S'il leur restait des dents, vous auriez plus de noix. Catastrophé devant le cataclysme de la défense du Jean-Claude face aux 2 agents de l'administration fiscale, Monique tenta aussitôt de rattraper l'affaire. Et, entre autres, elle leur expliqua sa vision civique de l'impôt et pourquoi il était essentiel de participer au financement de la collectivité nationale. Ce qui me semble important dans cette idée de solidarité, c'est l'idée quand même d'une redistribution et d'un partage dès le départ, et donc l'impôt progressif sur le revenu, l'impôt sur les successions. Tout individu qui arrive au monde, au moment même où il arrive au monde, profite de tout le travail accumulé par les générations précédentes. Tout ce qu'il va trouver dans son univers, dans son berceau, l'électricité, la nourriture, tout ça a été élaboré par des générations qui ont travaillé pour créer ces progrès, ces produits. Donc, s'il se trouve que certains, par le hasard de leur naissance, ont plus de facilité d'accès à ce capital commun, ce patrimoine commun de l'humanité, alors ils doivent reverser une part de ce qu'ils ont reçu à ceux qui ont moins reçu. Évidemment, les 2 agents du Trésor public furent très impressionnés par la justesse des propos civiques de Monique. Et, devant un tel esprit citoyen, ils ont alors décidé de trouver une solution à l'amiable. Résultat, Monique et Jean-Claude ont été priés, primo, de cesser immédiatement leurs activités lucratives illégales, secondo, de remplir convenablement leur prochaine déclaration de revenus, avant le 29 mai, et tertio, de payer sur le champ leur deuxième tiers provisionnel. Bien sûr, c'est Monique qui a rempli le chèque, car Jean-Claude bougonnait dans la cuisine, furieux, comme d'habitude, de ne pas pouvoir échapper à l'impôt. Pour avoir la foi, il faut être charbonnier. Pour être mal chaussé, il faut être cordonnier. Pour séduire la foule, faut chanter la pêche au moule. Et pour pas payer la peau, il faut naître à Monaco. Pour être légionnaire, faut sentir le sable chaud. Pour bien dire les vers, il faut être moulineau. Pour faire des affaires, faut savoir payer l'impôt. Et pour pas payer la peau, il faut naître à Monaco. Pour être costaud, faut manger des épinards. Pour se lever tôt, il faut pas se coucher tard. Quand on est costaud, faut se mettre un beau costard. Et pour pas payer la peau, il faut naître à Monaco. En effet, Grosboule-les-Bains n'est pas Monaco. C'est un petit village de France où tout le monde paye naturellement ses impôts. Et où les potins et rumeurs vont bon train. Car figure-toi que dès vendredi matin, au bureau, tous les collègues du Jean-Claude ont été informés qu'avec toutes ces magouilles-là, normalement, Jean-Claude aurait dû payer l'impôt sur la fortune. L'impôt sur la fortune, j'y crois pas. En plus, quand je pense, ça fait 15 ans qu'il pinaille sur toutes les additions au resto, ce pourri, là. Mais attends, et moi, le nombre de fois où il m'a tapé pour ses cafés, mais quel radin. Attends, puis attends, jouer à l'anti-mondialiste et se garver par derrière en plus-value boursière, c'est à vomir, hein. Enfin, ça reste entre nous, mais le foie gras qu'il nous refourgue à Noël. Quoi? Il le fait fabriquer à Hong Kong en juin. Ouais, ouais, je vous assure, en juin. Tiens, ça va, les gars, j'ai eu un éblouissement, j'ai eu comme un blanc, je sais pas ce qu'il m'a pris. Oh, mais t'inquiète, hein, si ça recommence, tu prends pas de risque, t'achètes une clinique. Toi? Ah ouais, d'accord, ouais, j'ai compris. Mais putain, c'est patrimonial, ça. C'est de la terre, c'est pas mon blé. Je suis un pauvre paysan, moi. Ah ouais? Bah oui. Ah bah dépêche-toi de rentrer tes bêtes, Jacques le croquant, la nuit va tomber. Bien, alors maintenant, toujours en direct avec toi, après avoir découvert qu'en réalité, entre magouilles et vieux revenus fermiers, notre Jean-Claude est pété de blé, il est temps dès à présent à 11h43 de retrouver notre petit reportage Made in Panic consacré cette semaine à la ronde infinie des obstinés. Qu'est-ce? Eh bien, voilà plusieurs semaines que des universitaires et des étudiants en colère se relaient jour et nuit dans une marche silencieuse à Paris, mais aussi en province, à Toulouse ou à Montpellier, afin d'obtenir l'entière satisfaction de leurs revendications face aux assauts des réformes gouvernementales. Intrigué par cette ronde infinie des obstinés, notre facétieux reporter, M. Julien Dugast, est allé à la rencontre d'Étienne, professeur, entre autres, d'histoire slovaque, et de Sacha, étudiante en licence de japonais. Deux cursus éminemment productivistes, bien sûr. Ainsi, chers amis, juste après la virgule, découvrons les inquiétudes légitimes de ces marcheurs silencieux et forcenés, citoyens européens, et qui comptent bien, d'ailleurs, aller voter. Seigneur, tu as mis au monde beaucoup, beaucoup trop de pauvres gens. Mais s'il n'y a pas de honte à être pauvre, il n'y a pas de quoi en être fier non plus. Quel mal y aurait-il si j'avais une petite, petite fortune? Le rapport de nos enfants à la culture, au savoir, à la pensée, est ce qu'il y a de plus essentiel pour l'avenir. C'est à l'école que se construira la société et la civilisation de demain. L'université, elle doit être un système qui permet de former l'esprit, qui doit permettre de former à la réflexion et qui n'a pas une finalité professionnelle immédiate. L'objectif professionnalisant, c'est un objectif qu'on a tous en tête, mais ça ne peut pas être la seule finalité de l'université. On forme des citoyens à l'université, on ne forme pas des employés. Et que ces citoyens soient des bons employés, c'est un de nos objectifs, mais ce n'est pas la finalité de l'université. Et ce que nous propose le gouvernement avec les réformes, c'est d'inverser le rapport et de former essentiellement des employés, le plus spécialisés possible. Spéciale dédicace à toutes les facs en lutte. Je suis entièrement mobilisée pour organiser aujourd'hui le rattrapage des cours dans les universités et la tenue des examens. Bon, je dis pas que l'université telle qu'on l'avait était parfaite, mais au moins, elle avait une universalité. comme son nom l'indique, qui était énorme, et c'est cette université-là en fait que le gouvernement essaie de détruire. C'est former non plus des gens qui sont capables de se tourner en fait vers la formation de leur choix, mais des gens qu'on va obliger à choisir dès la première année un projet professionnel qui, au demeurant dans une période de crise économique et de chômage où justement l'endroit où est l'emploi, c'est pas clair, ça va changer tous les ans, peut-être même tous les mois, au gré du CAC 40. Et finalement, l'idée qu'il faut former les gens à une formation simple pour les lâcher sur le marché du travail où ils vont vraiment être de la chair à pâté en fait, au gré des besoins, des désirs et des caprices de la bourse, enfin, elle est complètement absurde. Je t'ai dit qu'elle soutenait sa thèse de 28. Une thèse sur quoi? Sur rien. Ah bah c'est bien, ça prend pas beaucoup de temps ça. Mais non, c'est les chevaliers de l'an 1000 du lac des paysans. Non, Odile, c'est pas du tout ça. Pas du tout ça. Bon, ben alors vas-y, c'est quoi? Les chevaliers paysans l'ont mis au lac de Paladru. Au lac de Paladru. Excuse-moi, mais il y a des gens que ça intéresse? J'étais étonné quand on parlait tout à l'heure, il y a des formations déjà spécialisées. Aujourd'hui, on peut faire une fac pour travailler à Euro Disney ou au Club Med, c'est ça? Exactement. Il existe une licence Club Med et une licence Euro Disney à Marne-la-Vallée. Et ces formations-là, elles sont catastrophiques. Il y a eu d'autres tentatives par le passé, notamment au niveau de telles formations pharmaceutiques pour travailler au Conforama. Et tout ça, ça a été de grands échecs parce que de la seconde où les entreprises qui payent ces formations-là n'embauchent plus, les entreprises concurrentes aussi n'embauchent pas. Avec une formation aussi restreinte, on peut aller nulle part. Les sondages montrent que la plupart des Européens ne participeront pas aux élections parlementaires de l'Union Européenne. Personnellement, moi je vote constamment. Je considère que le droit de vote, c'est un droit essentiel. Bon, pas nécessairement que c'est non plus un devoir, mais en tout cas pour moi, c'en est plus ou moins un. Prenez parti pour votre avenir. Choisissez votre eurodéputé. Ces campagnes que je vous voyais sourire quand on voit des bimbos en disant l'Europe tu la désires, tu votes, quand on voit des filles en maillot de bain pour accrocher les jeunes sur l'Europe. Mais c'est bien, c'est ça, c'est la version politique de, je dirais, si, peut-être que c'est un tout petit peu exagéré, mais je le dis quand même, c'est la version politique de ce qu'on veut imposer à l'université. Arrêtez de réfléchir, tout est slogan. Alors, que dire de plus? Eh bien, que la panique est très attachée à l'esprit de l'université française. Lettres modernes, histoire, droit, théâtre, tous les membres du Mangin Palace sont des créatures exclusivement formées sur les bancs de la faculté et nous lui en sommes infiniment reconnaissants. L'université nous a surtout offert un regard critique sur le monde, un bien si précieux et un droit pour tous qu'il faut absolument préserver. Sinon, on pourrait bien nous faire gober n'importe quoi sur des questions essentielles comme celle des quotas laitiers, par exemple. La question des quotas laitiers est le type même de la question technique ardue. Lorsqu'on tente une explication, même résumée, on s'en sort rarement en moins de 2 heures. Humainement, on est même en droit de se demander s'il n'est pas tout aussi légitime de laisser les gens dans l'ignorance. Ce n'est pas l'opinion des gauchistes qui en tiennent quant à eux, je les cite, pour « l'information pour tous et pour chacun ». Notre rôle n'est pas de trancher ce genre de débat. Tout au plus, pouvons-nous citer la position très mesurée de l'académicien Henri Fréville, qui dit quant à lui, je cite, « Les gauchistes, ils nous bassinent avec le droit à l'information, mais ce sont bien les premiers à se taper des femmes mariées dès que l'occasion se présente. » C'est peut-être dit un peu brutalement, mais c'est indéniable et très sensé. Bonsoir. Merci, professeur Rollin. La situation mérite attention. Mon enfant, on n'épouse jamais ses parents. Vous aimez votre père, je comprends. Quelles que soient vos raisons, quels que soient pour lui vos sentiments. Mon enfant, on n'épouse pas plus sa maman. On dit que traditionnellement, des questions de culture et de législature décidèrent en leur temps qu'on ne mariait pas les filles avec leur papa. Un prince, une bergère peuvent bien s'accorder quelquefois, mais une fille et son père, c'est ma foi, un échec assuré, une progéniture altérée. Mon enfant, il vous faut faut oublier à présent ces fantasmes démoralisants. Et vous rencontrerez un charmant va-nu-pied ou un prince mendiant. Mais de grâce, oubliez cet hymen insensé. Mon enfant, la vie vous offrira ses présents, mais il vous faudra auparavant vous conformer au plan que j'ai conçu pour vous savamment. Mon enfant, ne craignez pas les égarements, je vais vous éclairer brillamment, je vais vous protéger. J'ai pour vous un chemin par mes soins tout tracé. Mais de grâce, écoutez, j'ai tout manigancé. Les conseils de la fée des Lilas, offerts par Christiane Legrand dans le merveilleux Peau d'âne en 1970. Alors qu'hier soir, malheureusement pour Patricia Cass, la fée de l'Eurovision avait changé de costume, dis donc. Une jolie fleur dans une peau de vache, une jolie vache déguisée en fleur, qui fait la belle et qui vous attache, puis qui vous mène par le bout du cœur. Alors maintenant, à 11h52, nous accueillons avec grand plaisir notre ami Xavier Mauduit afin de compléter au mieux notre petit tour d'horizon déjanté de l'actualité. Ainsi, la panique au Mangin Palace ouvre son petit kiosque à journaux. Allô Marcel. Ce que je reproche aux journaux, c'est de nous faire faire attention tous les jours à des choses insignifiantes, tandis que nous lisons 3 ou 4 fois dans notre vie les livres où il y a des choses essentielles. Alors, comme tout palace qui se respecte, le Mangin Palace, bien sûr, dispose d'un petit kiosque à journaux sévèrement fourni. Et afin de ne rien oublier d'essentiel, Monsieur Mauduit, ici présent, s'est chargé pour nous de feuilleter la presse. Bonjour Mauduit. Salut Colin. Alors, que dit la presse cette semaine, camarade? Bah écoutez, j'ai trouvé la presse extrêmement rassérénante cette semaine. Rien n'est laissé au hasard et tout concorde pour assurer notre tranquillité. Il suffit tout simplement de respecter la loi à la lettre. Bon, les journaux nous mettent tout de même en garde contre les interprétations abusives de la loi. La plupart des canards, vous l'avez repéré, ont relayé cette information qui prouve que la police met tout en œuvre pour assurer notre tranquillité. Mardi prochain, le 19 mai, donc, un professeur de philosophie marseillais de 47 ans va comparaître devant le tribunal de police pour avoir enfreint un article du code pénal ainsi qu'un article du code de la santé publique. Il a provoqué un tapage injurieux d'urne troublant la tranquillité d'autrui. Alors en l'occurrence, autrui, c'était la police. Ah. Le 27 février dernier, en fin de journée, ce professeur de philosophie a assisté à un contrôle d'identité qu'il a jugé quelque peu musclé. Et ce citoyen vigilant... Pardon, excusez-moi Philippe, une remarque, j'entends le planton de service Place Beauvau à Paris qui nous conseille de ne pas dire citoyen vigilant, mais dangereux perturbateur, d'accord? Donc ce dangereux perturbateur, devant ce contrôle d'identité musclé, en pleine gare Saint-Charles, a crié « Sarkozy, je te vois !» Et donc la police, toujours soucieuse de la tranquillité des voyageurs dans la gare de Marseille, un havre de paix aux heures de pointe, c'est connu ça. Hein, donc ils ont embarqué cet agitateur réellement dangereux pour l'ordre social. Histoire incroyable. Oui, oui, oui, ça fait un peu peur. Alors ça fait peur et ça fait écho à une autre histoire. C'est une histoire qui est arrivée à un pauvre menuisier d'Abbeville dans la Somme. C'est le courrier Picard qui nous rapporte la nouvelle. Ce menuisier qui s'appelle Stéphane, un collègue blagueur qui lui a envoyé un SMS disant « Pour faire dérailler un train, t'as une solution ?» Un peu con. Mais bon, habituellement, quand on fait une blagounette au menuisier, au charpentier, bon déjà, on passe par l'archange Gabriel. Oui, bah oui. Voilà, sauf que là, on ne sait pas trop comment, mais le texto est arrivé entre les mains de la police. Oh, c'est pas vrai. Alors, ce qui est sûr, c'est que le menuisier, lui, a passé 24 heures en garde à vue. Parce qu'il a reçu un texto comme ça. Et c'est long, 24 oui, heures. C'est très, très long. Ouais, et puis la garde à vue, c'est humiliant. Et puis ça fait très peur. Excusez-moi, une remarque de Fernande. Fernande d'Annecy, à côté de son poste, qui vient de crier « Et t'as policier ?» Non, Fernande, non. Moi, je dis non. Attention au dérapage. C'est vrai qu'il y a 2-3 indices dérangeants, mais nous ne sommes tout de même pas dans un état policier. Faut pas exagérer, non. Pas puis, encore. Bah, voilà. Bon, c'est puis surtout que s'il y a une personne en France qui peut parler d'état policier, c'est bien notre président. Oui. Ah, le pauvre, il est toujours en tirer policier. Il peut plus se déplacer sans des escouades de pendants autour de lui. Voilà. Puis les policiers ne font qu'appliquer la loi, hein, comme le leur demandent les politiques. Bon, c'est vrai quand même qu'il faut faire attention à l'interprétation de ces lois, parce qu'un texte de loi, c'est un texte avant tout. On peut lui faire dire un peu ce qu'on veut. Faut pas en abuser. Tenez, par exemple, la loi autorise les élus britanniques à percevoir des remboursements dans le cadre de leurs fonctions. À tous les journaux ont parlé de ce scandale, des notes de frais délirantes des parlementaires britanniques. Ils se sont fait rembourser avec les sous des contribuables des trucs mais pas possibles, hein, comme des prêts immobiliers déjà remboursés, un fauteuil de massage, de la nourriture pour chien, une balayette pour WC ou tout simplement un citron. Ils se sont goinfrés, quoi. Et une remarque de Martine de Dieuze en Lorraine, qui aimerait bien connaître le détail des notes de frais de nos élus. Martine, écoutez, vous allez finir en garde à vue pour dénonciation mensongère et incitation à la suspicion, gare à vous. Oui. Bon, par contre, il y en a un qui a vécu une semaine bien difficile, c'est Gordon Brown. Ah, le Premier ministre britannique, lui, bon, il a dû faire face évidemment au scandale des notes de frais. Mais en plus, il a vu dévoiler dans la presse ses petits secrets de maquillage. Oh, c'est pas vrai. Oui, c'est le Sun qui nous raconte ça. Un conseiller de Gordon Brown a oublié dans un taxi un sac contenant des documents confidentiels. Bon, déjà sur la manière pour répondre au scandale des notes de frais, mais aussi un document ultra sensible sur le maquillage du Premier ministre. Donc on apprend que Gordon Brown doit utiliser un illuminateur de teint. Sur toute la tronche, partout, sans oublier les paupières, bien sûr, il doit ajouter une couche de poudre terracotta Guerlain afin d'obtenir un incroyable effet bronzé. Et excusez-moi Philippe, décidément, nos auditeurs commentent beaucoup une remarque de Sherifa Fija qui vient de dire à côté de son transistor qu'elle pense que c'est très bien et que François Fillon devrait prendre conseil parce qu'il a l'air palo, hein. Il est un peu cerné. Hein. C'est vrai. Oui, Sherifa. La fatigue. Alors effectivement, c'est vrai, François Fillon est fatigué. Mais il en a des soucis, hein, notre pauvre Premier ministre, parce qu'il fait des cadeaux aux patrons et les patrons, ils se moquent de lui. C'est horrible. Et oui, c'est le canard enchaîné de cette semaine qui pointe de la palme une interview que le patron de Carman, une entreprise textile à Castres dans le Tarn, vient de donner à la Dépêche du Midi. Il explique sa proposition faite à 9 ouvriers, licenciement ou reclassement en Inde avec un salaire de 69 euros par mois pour 6 jours de travail. Et le patron s'explique, pas de ma faute, c'est la loi qui nous oblige à faire par écrit une proposition de reclassement. Ah, c'est bien connu, hein. Les patrons français appliquent sérieusement la loi. Voilà, on va bientôt devoir leur dire merci en plus. Donc, au nom de la loi, on serre la vis d'un côté et on déréglemente de l'autre. La loi est dure, sans doute, mais c'est la loi. Attention cependant à ne pas sombrer dans la loi de la jungle. Merci, Monsieur Maudit, pour cette formidable revue de presse. À la semaine prochaine, cher ami, le kiosque referme ses portes. Voilà, fin du 163e épisode. Tout le monde descend, faites gaffe de ne rien avoir oublié. C'était les actualités revues et corrigées par la bande de furieux du Mangin Palace. On se retrouve dès le week-end prochain, le samedi et le dimanche, à 11h et en direct sur France Inter, pour de nouvelles aventures archiloufoques et total foutraque, bien sûr. Alors, je vais remercier rapidement Xavier Mauduit, le co-auteur de cette émission. Fanny Boyon, qui remplaçait Marco Mutel. Merci beaucoup, Fanny, c'était parfait. Assisté aujourd'hui à la technique de Jean-Philippe Jeanne et de Nicolas Lapeyre. Merci beaucoup à vous deux. Merci aussi beaucoup à Flora Bernard, Julien Dugast, Claire-Sophie Collet, Yvan Beaugelet, Elsa Denac, Thierry Dupin, Olivier Lefayère et les documentalistes de l'INA. La journée continue sur France Inter. Après le flash, vous retrouvez Marie-Pierre Planchon et sa propre recette du crumble. Allez, portez-vous bien, prenez soin de vous. On se retrouve dès samedi à 11h pour le ministère psychique et dimanche prochain, toujours en direct à 11h sur France Inter pour un nouvel épisode du Mangin Palace. Mais en attendant, d'ici là, un seul mot d'ordre. Surtout, ne lâchez rien. Ciao. On dirait que c'est la fin. Attends un peu, c'est moi qui suis le chef. Je dirai quand ce sera la fin. Ils couinent encore, ces salauds-là. C'est la fin.